Raymond Poirier est avec nous en studio pour la chronique technologie des formations. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, tu reçois un invité, en fait un conférencier. Exactement. En fait, c'est que jeudi qui vient, l'Institut technologie de l'information et société, toujours dans le cadre de sa série des rencontres du numérique à la bibliothèque Gabriel-Leroy, organise une conférence qui s'intitule « Économie numérique, économie créative et développement régional ». Alors, ça va s'intéresser évidemment à ces différents axes. Jeudi de cette semaine à compter de 19h. Et pour, comme à l'habitude, de mettre un peu la table en route vers l'événement. Bon, on a le plaisir d'avoir avec nous le conférencier au bout du fil. Il est professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional, l'ESAD, à l'Université Laval. Mario Carrier, bonjour. Oui, bonjour. Et je disais, en fait, dans le titre de la conférence, on a justement nos grandes thématiques, économie numérique, économie créative. Comment on les définit, comment on les présente, ces thématiques-là? Bon, alors l'économie créative, je vais commencer par l'économie créative, ça serait l'économie qui serait reliée à l'innovation. Alors, dans les économies modernes, les économies développées, les pays les plus développés, ce qui est au cœur de la croissance et du développement, c'est l'innovation. Alors, on pense bien sûr innovation technologique pour des nouveaux produits, des nouveaux services, mais on peut penser aussi à d'autres types d'innovations comme l'innovation managériale, l'innovation commerciale, etc. Si on prend juste l'exemple de l'innovation commerciale, on peut faire un lien immédiatement avec l'économie numérique. Hein. Pensons au commerce de détail et on peut voir comment ce secteur-là est bouleversé actuellement par le commerce en ligne. Mmh. Et les experts prévoient que ce n'est qu'un début. Donc, l'économie numérique, voilà un bon exemple, hein, participe à cette économie créative, à cette économie de l'innovation. Mmh. Quand on parle d'économie numérique, actuellement, c'est un terme qui devient de plus en vogue, tout simplement parce que la pénétration des nouvelles technologies d'information et des communications va à un tel rythme que tous les secteurs de l'économie sont bouleversés par ces nouvelles technologies. Cette nouvelle technologie-là, et l'enjeu et le défi de cette économie numérique-là est énorme, sont énormes, et c'est ce qu'on va examiner là, de plus près à la conférence de jeudi. Mais juste pour être certaine, M. Carrier, est-ce que l'économie numérique, c'est l'économie qui se passe sur Internet ou ça inclut aussi les achats de matériel qui impliquent du numérique, toutes ces transactions-là? Oui, ben en fait, c'est l'économie numérique, c'est la place du numérique dans les processus économiques. Alors, okay. Je vais donner l'exemple du commerce de détail. Oui. Donc, le commerce en ligne, c'est un bon exemple de l'économie numérique. Hein, c'est-à-dire que le numérique s'insérer dans les processus de vente. Un autre exemple, prenons par exemple un service public cette fois, le service des postes. Hein, si vous avez suivi l'actualité à ce sujet-là dans les derniers mois, vous savez tout ce que la Société des Postes au Canada est en crise parce que leur volume de distribution diminue d'année en année de façon drastique et les prévisions sont à l'effet que ça va continuer dans ce sens-là. Donc, ça oblige à une restructuration complète de leur organisation. Ça cause des problèmes au niveau de la main-d'œuvre et de leur mission même. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le numérique hein, qui vient se substituer à la livraison postale traditionnelle. Mmh. Voilà deux exemples. Et d'une certaine façon, si on ramène ça vers la région métropolitaine de Québec, par exemple, eh ben, à travers tout le projet de Saint-Roch, technoculture, l'émergence d'industrie du jeu vidéo, du web, des nouvelles technologies dans la revitalisation du quartier, ben ça passe un peu, c'est lié implicitement à ces deux formes d'économie-là, l'économie numérique, l'économie créative. Oui, alors c'est pour ça que je suis pas un spécialiste en économie numérique, je suis pas un spécialiste du numérique, je travaille plus sur les questions de développement régional, questions d'innovation en lien avec le développement. Donc quand on nous a sollicité pour faire une communication sur la question du numérique par rapport à notre spécialité, ben, j'ai dit il y a un lien facile à faire entre cette économie numérique-là et l'économie créative, parce que au cœur de l'innovation aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies de l'information et des communications. Alors, qu'on soit dans le secteur manufacturier, qu'on soit dans le secteur dans les secteurs primaires de production agricole, qu'on soit dans les services, dans le domaine des assurances, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la haute technologie, hein, les technologies, les NTIC, d'information et de communication, sont présentes partout et deviennent de plus en plus incontournables et participent à la productivité, mais participent aussi à l'innovation. L'innovation étant au cœur du développement. Quand on parle d'économie créative, là, certains auteurs là disent qu'il y a trois grands secteurs de l'économie créative. Il y a le secteur de la technologique, de la haute technologie. Alors, dans le secteur technologique, on pourrait peut-être distinguer les moyennes technologies, les nouvelles technologies de l'information et des communications, par exemple, c'est certains chercheurs là classent ça dans les catégories de moyennes technologies, c'est-à-dire que les utiliser, pour faire des développements, ça demande pas nécessairement un personnel très hautement qualifié avec des diplômes de doctorat, de maîtrise. Donc c'est plus accessible. Si on prend l'exemple de l'industrie du jeu vidéo, hein, qui est une bonne application là, des NTIC à des fins de jeux interactifs, ben, on n'est pas dans la haute technologie, on est plus dans la catégorie des moyennes technologies. Mais on a aussi le secteur de la haute technologie. Donc, si on prend, par exemple, dans la région de Québec, les secteurs de l'optique photonique, les secteurs des sciences de la vie, les secteurs des technologies environnementales, ben là, on est un peu plus dans ce qu'on considère la haute technologie. Donc, un peu avec les entreprises exemples du parc technologique du Québec métropolitain. Voilà. Alors ça, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui est plus reliée aux arts et à la culture. Alors, un auteur très connu là, dans le domaine de la littérature sur l'économie créative, là, Richard Florida, en parlait, lui, de la catégorie des bohémiens. Alors, ceux qui sont créatifs par le biais des arts et de la culture. Et il y a une troisième catégorie aussi qui est reconnue, c'est-à-dire c'est la catégorie des gestionnaires, la catégorie des gens qui ont une formation universitaire, soit en sciences humaines, en sciences sociales ou en sciences de la gestion, donc qui sont aussi créatifs, mais plus dans le domaine managérial, dans le domaine de la gestion des affaires publiques, des affaires du secteur privé. Ce seraient les trois grandes catégories de la classe créative, selon les termes de Richard Florida, donc de l'économie créative par la fin même. Alors, les villes modernes aujourd'hui, hein, le développement des villes modernes, le développement urbain est centré autour de cette économie-là. Les centres-villes, les banlieues près des quartiers centraux, hein, où on retrouve des campus universitaires, des parcs technologiques, ben, ce qui est au cœur du développement de ces lieux-là, c'est l'économie créative. Et d'une certaine façon, ben, le développement accentué de cette économie-là, lié au développement régional, j'imagine que ça apporte une teinte, ça apporte une couleur au niveau du développement justement des zones, des secteurs, des quartiers, des villes. Oui, c'est-à-dire que ça l'amène une nouvelle réorganisation de l'espace, une nouvelle réorganisation de localisation des activités économiques dans l'espace. Alors, on a vu, par exemple, au cours des années 60, 70, 80, un déclin des quartiers centraux, hein, dans les grandes villes nord-américaines. Puis, peut-être dans le cas de l'Europe, faut apporter peut-être certaines nuances par rapport à une affirmation comme celle-là. Mais en Amérique du Nord, hein, les quartiers centraux des villes, des régions métropolitaines ont connu un déclin avec l'expansion des banlieues. Mais depuis une vingtaine d'années, même une trentaine d'années dans certains cas, il y a eu une revitalisation du centre urbain, des quartiers centraux. Et cette revitalisation-là s'est faite à partir de l'économie créative, des secteurs de l'économie créative et de l'économie numérique. Alors, si on prend un exemple à Québec, dans le quartier Saint-Roch, parce qu'il est venu le temps de revitaliser ce quartier-là et de lui donner un poumon économique, ben on a pensé au secteur des nouvelles technologies de l'information et des communications. On a créé un périmètre urbain où on a accordé là, des crédits d'impôt à des entreprises pour qu'ils viennent s'installer dans ce secteur-là. On a essayé de créer un district technologique à Saint-Roch. Dans ce district technologique-là, lié au NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications, il y a un secteur qui est l'industrie du jeu vidéo. Alors, pourquoi ce type d'économie-là se retrouve dans les quartiers centraux? Ben, parce que c'est des types d'activités économiques qui ne demandent pas beaucoup d'espace. La rente foncière étant beaucoup plus élevée dans les centres urbains que dans les banlieues ou dans les milieux non métropolitains, ben, c'est où les activités économiques qui sont le moins coûteuses en termes d'espace se localisent dans ces endroits-là, les endroits où la rente foncière est élevée, c'est-à-dire les centres urbains. Donc, dans les centres urbains, comme Saint-Roch, et c'est la même chose pour les quartiers centraux de Montréal actuellement, où on développe là, des quartiers axés sur les activités des quartiers d'innovation où on va retrouver des entreprises technologiques de moyenne, de haute technologie, l'industrie du jeu vidéo qui est très présente à Montréal, ben ça se retrouve dans les quartiers centraux de Montréal. Dans les premières banlieues, souvent on va retrouver des parcs technologiques. Alors à Sainte-Foy, par exemple, hein, vous avez le parc technologique du Québec métropolitain. Il y a un InnoParc qui se développe à Lévis actuellement. Donc Lévis est intégré maintenant dans la communauté métropolitaine de Québec. Alors tout ce qui est un peu qui est pas dans les vieux centres, hein, mais plus dans les premières banlieues, ben c'est un autre type de technologie, plus dans le secteur des hautes technologies, plus consommatrice d'espace qui se retrouve là. Donc c'est vraiment selon l'espace disponible, selon le coût lié à cet espace-là, ben ça va influencer ce qu'on est en mesure de lui installer, et donc le développement et la tangente que ce développement-là va prendre. Voilà. Et le secteur manufacturier, qui est beaucoup plus consommateur d'espace, hein, pour fabriquer des meubles, des portes et fenêtres, on a besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, le secteur manufacturier qui, par exemple, dans la première, de 1850 à 1950, par exemple, dans une ville comme Québec, ben, le secteur manufacturier était très présent dans les quartiers centraux. Maintenant, ça se localise dans les milieux ruraux, dans les milieux périphériques là, à la région métropolitaine. Et il y a un autre phénomène aussi qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire que il y a de plus en plus, donc c'est un peu les banlieues qui continuent à s'étendre. Alors il y a de plus en plus de comtés ruraux, semi-ruraux, périphériques là, à la région métropolitaine qui se développent par l'économie résidentielle, c'est-à-dire essentiellement là, le développement immobilier. Donc, il y a comme un retour au centre par le biais de l'économie créative dont l'économie numérique là est très la dimension numérique est très, très importante au sein de cette économie-là. Ce retour-là, c'est un retour aussi d'une certaine catégorie de travailleurs, hein, des professionnels, des chercheurs, des gens qui font partie de ce que les théoriciens là, appellent la classe créative. Alors, c'est un peu ces thématiques-là, justement, qu'on va explorer au fil de votre présentation jeudi qui vient, donc sous le thème, je le rappelle, économie créative, économie numérique et développement régional. Mario Carrier, professeur donc à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bienvenue, ça me fait plaisir. Au revoir. Et Raymond, merci à toi. Ben, ça fait plaisir et je rappelle aux auditeurs, auditrices, en fait, que la présentation a lieu jeudi de cette semaine à 19h. C'est à la bibliothèque Gabriel Roy, à la salle Gérard Martin. C'est entrée libre, donc on a simplement à se présenter. Et si on va avoir un peu plus d'informations sur l'événement, ben, on peut le retrouver sur la page de l'ITIS, itis.ulaval.ca. On retrouve aussi les chroniques que tu fais ici à l'émission à tous les lundis. Raymond Poirier, merci beaucoup. À la semaine prochaine.